Vous écoutez France Culture. Ce feuilleton radiophonique évoque l'histoire d'un monde mal connu, celui des Maoris. Leur terre, la Nouvelle-Zélande, est l'une des plus reculées du Pacifique, à plusieurs milliers de kilomètres de toute autre côte. Les Maoris ne s'appelaient pas encore Maoris quand Marion Dufresne et son équipage atteignirent la Nouvelle-Zélande, le 25 mars 1772, 3 ans après le capitaine Cook qui a réalisé la première carte du pays. Quand ma grand-mère est morte, elle m'a laissé une dent de cachalot qu'un marin de la famille avait rapportée d'un voyage dans le Pacifique. Parfois, à l'heure du thé, quand ma grand-mère sortait du buffet la boîte de biscuits avec les gaufrettes en chocolat, elle m'autorisait à ouvrir la porte de la vitrine et à sortir la dent de cachalot. La dent y passait ses journées à côté d'un petit coffre en bois incrusté d'ivoire avec un tiroir secret et une opaline bleue avec la silhouette de Napoléon, chope que l'empereur donnait à ses grognards. Je prenais la dent dans mes mains et je me disais qu'elle devait bien s'ennuyer à côté de ces objets étrangers à la vie océanique. Ma grand-mère habitait Dieppe, au dernier étage d'un vieil immeuble, rue du Chêne-Percé. Il y avait un poêle dans la cuisine et elle se faisait encore livrer son charbon. De là, on pouvait entendre le cri des mouettes qui remontaient avec la marée. Pendant les nuits d'hiver, je quittais la cuisine brûlante pour aller me glisser dans les draps froids de la chambre des invités. En passant par le salon obscur, j'apercevais la dent dans la vitrine. Comment ce lointain parent s'était-il procuré cette dent de cachalot? Ma grand-mère racontait qu'il avait été marin dans le Pacifique, qu'il était allé jusqu'en Nouvelle-Zélande avec le capitaine Marion Dufresne. Quand l'appartement de la rue du Chêne-Percé a été vidé et tous les effets de ma grand-mère dispersés, la dent a atterri chez moi dans un tiroir. Je l'ai négligée. Ouvrir le tiroir me procurait même une sorte de tristesse. Je n'avais reçu ni la vitrine, ni l'opaline bleue, ni le petit coffre au tiroir secret, et tout était perdu. Une nuit, alors que tout le monde dormait chez moi, j'ai googlisé le nom de Marion Dufresne. Une vague du Pacifique a déferlé, elle a inondé le bureau, éteint l'ordinateur et m'a submergée. La trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772. De Delphine Morel. Premier épisode, la mort d'Aotourou. Novembre 1771. Lieutenant en second Ledez. Aotourou est mort. La petite Vérole. Cet événement nous touche tous. Nous craignons qu'il n'interrompe le voyage. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison, 28 octobre 1771. La petite Vérole s'est manifestée à bord 3 semaines après notre départ. À Aotourou, l'insulaire de Tahiti que nous allions rendre à sa patrie d'où il avait été amené en France par M. Bougainville, a été attaqué le premier. L'état-major a arrêté que nous irons relâcher à Fort Dauphin, établissement français situé dans le sud de Madagascar. Enseigne de vaisseau Roux, novembre 1771. Le 6, Aotourou est mort à 8h du soir. Sa mort nous a touchés, d'autant plus qu'il était en partie cause de cette expédition et qu'il était bon homme. Privé de notre interprète, nous allons avoir la plus grande peine à nous insinuer auprès des insulaires de Tahiti. On le regardait avec raison comme un homme nécessaire pour ce voyage. Il y avait lieu d'espérer qu'en reconnaissance des bons traitements qu'il avait reçus de la nation de France, il se serait employé à nous servir auprès de ses compatriotes de Tahiti. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison. Nous avons eu le déplaisir de perdre Aotourou, dont la constitution, quoique robuste, avait été affaiblie par les débauches. Une double cause accéléra sa mort, Il avait une dartre considérable et très ancienne qui occupait une grande partie du bas-ventre, d'où suintait une humeur âcre et abondante. Et il y a tout lieu de croire que cette dartre devait sa naissance à la sœur aînée de la petite Vérole. Lieutenant Segond Ledez, novembre 1771. Je m'étais fait d'avance un vrai plaisir de considérer Aoutourou mettant pied à terre dans son île. Je m'étais promis d'observer sa contenance, ses gestes et ses mouvements, et de les comparer avec ceux de ses compatriotes. Je voulais connaître l'effet que produirait notre arrivée, de quel œil il nous aurait regardé et s'il l'aurait écouté avec plaisir. Quel travail d'imagination leur aurait causé le récit des mille choses qu'Aoutourou leur aurait racontées. Je voulais savoir s'il aurait repris les habillements simples de la vie naturelle et frugale de ses compatriotes, s'il leur aurait fait adopter quelques-uns de nos usages, et si enfin lui et eux auraient montré quelque reconnaissance. Garde de la marine du Clémeur. Malgré l'épidémie à bord et le décès d'Aoutourou, le capitaine Marion a décidé de continuer le voyage. Le projet est de faire route vers Tahiti tout en cherchant les terres australes, en présumant qu'elles existent. Nous allons explorer la mer à l'est entre les 43e et 50e parallèles de latitude. Si nous ne trouvons pas de terre, nous continuerons la route jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Si dans ces divers pays, nous trouvons une bonne fortune, nous ne devons rien négliger qui permette de pousser plus loin la connaissance des natifs et des produits de leur territoire. De tout cela, nous devons établir un descriptif le plus précis possible. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison. 20 novembre 1771. Nous sommes arrivés au cap de Bonne-Espérance. Le bateau de la santé est venu à bord. Les médecins n'ont trouvé aucun malade parce qu'on a eu la précaution de les cacher dans la cale. Ils se sont retirés persuadés que nous n'en avons pas. Ils ont appris peu après qu'on avait abusé de leur bonne foi et le gouverneur a eu, malgré notre procédé, assez d'humanité pour nous fournir les secours dont nous avions besoin. Lieutenant Segond Ledez. Monsieur Marion a travaillé dès son arrivée à se faire fournir vivres et autres besoins des vaisseaux. Nous avons été retardés car il a fallu faire le biscuit et les salaisons. Il est nécessaire que l'un et l'autre soient de la meilleure qualité et en état de se conserver au moins 18 mois. On ne saurait avoir trop d'attention sur le choix et la façon de préparer les vivres. La réussite du voyage en dépend. 28 décembre 1771. Nous avons appareillé pour les mers australes. Nous allons parcourir des mers inconnues où règnent souvent des vents violents et des brumes épaisses. Si nos deux bateaux sont séparés, voici les instructions. On se rendra, comme il a été convenu, à l'île des Trois Rois, marquée sur les cartes, à la tête du nord de la Nouvelle-Zélande, par le 33 ou 34e degré de latitude méridionale et le 163 ou 164e degré à l'orient du méridien de Paris. Nous devons nous arrêter à cette île, y faire de l'eau et réparer le vaisseau s'il en est besoin. Le vaisseau qui y précédera l'autre l'attendra au moins 15 jours. Ne le voyant pas arriver, il partira pour le second rendez-vous, mais auparavant on plantera dans un lieu apparent un morceau de bois de 5 à 6 pieds sur lequel on aura gravé la première et la dernière lettre du nom du vaisseau. J'ai mis quelques vêtements d'été dans ma valise et prélevé sur mes économies pour acheter un billet Paris-Auckland, Nouvelle-Zélande. Dans l'avion, j'examine la dent de cachalot que j'ai sauvée de justesse de la sécurité des aéroports de Paris. Son bout est pointu et la dent assez grosse pour inquiéter les agents de sécurité. Elle comporte dans sa partie haute trois petits trous qui lui permettent d'être portée en pendentif. Les Maoris, les premiers habitants de Nouvelle-Zélande, devaient la porter comme une parure. Son retour à la terre natale est l'occasion pour moi de mener une enquête inédite sur le monde maori, ses secrets, et les premiers contacts noués par l'expédition Marion Dufresne voici plus de 240 ans. Capitaine en second Crozet, 13 janvier 1772. Lundi 13 janvier, terres à l'ouest, éloignées de 4 ou 5 lieues. À 6 heures du matin, le vent s'est levé avec violence. Les tourbillons continuels nous ont contraints de mettre à la cape sous la misaine. On est resté à la cape jusqu'à ce que les vents un peu calmés permettent de courir plusieurs bordées pour conserver ces îles. Le 14 à 8 heures du matin, abordage avec le Castries. Lieutenant Segond Ledez. notre mât de Beaupré est cassé, et le mât de Misaine, en tombant dans le vaisseau, a augmenté encore le dommage. Un homme qui était dessus a été tué et 3 autres blessés. Le corps du vaisseau n'ayant pas souffert, tous nos soins ont été à la mâture. Nous avons passé la journée à griller une voile pour rendre le service gouvernant. Marion nous a envoyé, du Mascarin, 2 mâts de hune et 3 charpentiers. Bien que nous soyons passablement réparés, notre situation n'en est pas moins inquiétante, mais il n'y a point de milieu. Il faut abandonner ou continuer le voyage. Capitaine en second Crozet. La mer est si dure que M. Marion a perdu espérance de prendre plus ample connaissance de ses terres. Il les a nommées îles australes et en a pris possession au nom du roi. Nous cinglons à nouveau vers l'est entre le 46e degré de latitude et le 47e degré. Depuis le 14 que nous avons dématé, nous avons vu des petites goélettes grises, quelques éperviers, des loups marins, des pingouins et des gros paquets de goémons, et cela pendant un trajet de 120 lieues. Ces indices de terre nous empêchent de courir plus à l'est, car il fait une brume si épaisse que nous ne pourrions pas même voir la terre à demi-portée de fusil. Nous sommes obligés de tirer des coups de canon d'heure en heure afin que les bateaux ne se perdent pas. Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison. Les pingouins diffèrent beaucoup de ceux qu'on trouve dans le nord et au cap de Bonne-Espérance. Ils sont de la grosseur d'une oie, des plumes jaunes sur la tête en forme de huppe, noires et rudes sur le dos, blanches sous le ventre ayant dessous un duvet fort épais, des ailerons sans plumes qui leur servent de nageoires, un bec de corbeau, des pattes grosses et courtes. Ils nagent avec une vitesse surprenante et ont un cri perçant bien désagréable. 22 janvier 1772. Nous sommes passés très près d'un banc de glace considérable. Nous avons fait porter entre le sud et l'est dans le dessein d'attraper les 47e et 48e degrés de latitude sud pour voir si nous n'apercevrions pas d'autres terres. Nous avons continué à voir des oiseaux et quantité de goémons. Nos recherches étant restées infructueuses malgré les semi-preuves que nous avons du voisinage de quelques terres, nous avons décidé de rapiquer au nord et de rabattre jusqu'au 44e degré, afin d'aller prendre connaissance des terres de Diemen, que le navigateur Abel Tasman a découvertes lors d'un précédent voyage. Lieutenant second Ledez. Latitude 42 degrés 58 minutes, longitude 133 degrés 59 minutes. Nous ne voyons rien aujourd'hui qui dénote l'approche de la terre, quoique par notre estime, nous sommes à 30 lieues des terres de Diemen. L'intention de M. Marion est de relâcher sur la côte si nous trouvons un endroit protégé et de remater mieux que nous sommes. Ces propos ont échauffé l'imagination de notre équipage. Plusieurs ont cru voir la terre, d'autres ont assuré avoir vu des feux. Le reste de la nuit s'est passé au calme et au jour tout avait disparu. Jusqu'à midi, aucun indice de terre. 27 heures d'avion avec une escale. Je traîne dans l'aéroport climatisé de Singapour en attendant la correspondance pour Auckland. Dans ce temps suspendu des fuseaux horaires, je regarde les visages des voyageurs. J'appartiens à ce milliard d'hommes pressés qui prend l'avion, virelié à Internet, règle avec une carte de crédit et possède un frigidaire. Qui parmi nous pourrait encore endurer l'effort d'un voyage d'exploration comme celui du capitaine Marion ? Un voyage sans l'assurance d'un retour, avec des réserves limitées. Le témoignage de Marion a été perdu, mais j'ai entre mes mains les journaux de son équipage qui livrent un récit documentaire sur l'exploration du Pacifique Sud. Ces journaux n'ont jamais été publiés. Ils sont conservés aux Archives nationales en France, dans le fonds privé de la famille Bougainville et à la Bibliothèque nationale de Tasmanie. Les historiennes néo-zélandaises Anne Salmon et Isabelle Olivier les ont rassemblées dans le cadre d'une recherche universitaire essentielle sur les premiers échanges entre les Maoris et les Européens. J'entame leur lecture en mesurant le caractère exceptionnel de ces témoignages. Avant d'arriver en Nouvelle-Zélande, l'expédition Marion a accosté quelques jours en Tasmanie, appelée alors Terre de Diemen. Capitaine en second Crozet. 4 mars 1772. À 5h30 du soir, enfin la terre de Diemen. Elle était fort haute et embrumée. Nous y avons vu plusieurs feux, dont un que, par son élévation, nous avons jugé sur le sommet d'une montagne. Il était si considérable qu'il paraissait plutôt celui d'un volcan. Il y en avait 3 autres moindres qui étaient certainement faits par des hommes. enseigne de vaisseau chevillard de Montaison. Sur les 10 heures du soir, la côte est apparue boisée et elle nous est apparue telle jusqu'à notre mouillage dans la baie. Le 7 mars, les gens de notre chaloupe en longeant la côte n'ont pas tardé à apercevoir des hommes qui, étonnés de nous voir, ont fait aussitôt un cri des plus forts sans remuer de leur place. Lieutenant en second, le Dez. Les Diéménois, nous voyant venir, se sont avancés au bord de la mer. Ils y ont allumé du feu et se sont rangés autour en nous attendant. Ils nous ont beaucoup parlé comme si nous pouvions les comprendre. Enseigne de vaisseau chevillard de Montaison. Ils forment deux bandes. Les hommes composent la première, les femmes la seconde. Ils sont les uns et les autres absolument nus. Les femmes portent leurs enfants sur le dos attachés avec des écorces. Les hommes ont pour armes des sagaies, et un seul est distingué par une plume blanche dans les cheveux. Ils nous font signe d'aller à eux. Lieutenant en second, le Dez. Monsieur Marion, voyant qu'ils ne paraissent pas dangereux, a fait déshabiller deux matelots qu'il a envoyés à terre sans armes leur porter de petits présents. Les Diéménois ont alors mis leurs sagaies à terre et sont venus au-devant en chantant et en frappant dans leurs mains. Leur étonnement et leur joie ont été inexprimables quand les matelots leur ont fait voir des miroirs. Ils n'ont cessé de se regarder en les prenant de main en main. Ils ne pouvaient s'arrêter de toucher nos matelots, deux grands garçons bien faits et fort blancs. Enseigne de vaisseau chevillard de Montaison. Celui qui paraît le chef a offert à Marion du feu et lui a présenté la main. Marion lui a donné une poule et un canard, qui ont excité l'avidité de tous. Il leur a présenté une bouteille d'eau dont il a bu devant eux. Ils ont répandu l'eau et gardé la bouteille. Nos vêtements sont les objets qui les flattent le plus. Ils ne cessent de les admirer et de les toucher. Nous commencions à être assez libres avec eux quand la chaloupe du Castries est venue nous rejoindre. L'officier n'a pas pris la précaution de cacher les armes. Les insulaires ont eu de l'inquiétude et n'ont pas voulu les laisser aborder. Ils ont redoublé leurs cris et nous ont jeté des sagaies et des pierres, dont une grosse est tombée sur l'épaule de Marion et a fait une légère blessure à la jambe de Duclémeur. Nous avons fait tout de suite une décharge en l'air pour leur faire prendre la fuite et donner à ces messieurs le temps de rembarquer. Nous avons pris le parti d'aller au milieu de la baie où nous pouvons mettre à terre avec moins de danger. Les Diéménois ont couru pour s'opposer à notre descente. Nous désirions nous raccommoder avec eux, mais voyant que malgré nos dispositions pacifiques, ils n'ont cessé de nous envoyer des sagaies, nous avons été contraints de faire une décharge malgré la défense que Marion avait faite de tirer sur eux. Ils se sont enfuis en portant leurs blessés et nous laissant le champ libre pour descendre. Nous avons vu du gibier en quantité. Le plus commun sont les corbeaux, les merles, les linottes, les grives. Les oiseaux de mer sont de grands gosiers, des goélettes, des goélands, et une espèce de volatile avec un grand bec dont on trouve la description dans les voyages d'Abel Tasman. Le poisson y est assez commun, ainsi que les coquillages. On en trouve de semblables à ceux qu'on pêche sur la côte de Bretagne. Les raies y sont d'une grosseur énorme. Capitaine en second, Crozet. Premier jour de mars 1772. Les arbres du pays sont brûlés aux pieds. La terre est partout brûlée, et on a trouvé différents endroits qu'il était de près d'un demi-pied. Le climat est très froid, et il est comme incompréhensible que ces gens puissent y vivre nus. Leur nourriture est de coquillages, à en juger par les tas qu'ils laissent. Enseigne de vaisseau chevillard de Montaison. Nous avons trouvé un jeune homme qui est mort percé de 3 balles. Cet homme paraissait âgé de 22 ans environ, de la taille de 5 pieds 3 pouces. Ses cheveux étaient noirs, cotonnés et fort durs, et poudrés d'une poussière rouge. Le front assez bien et le nez médiocrement plat. Les lèvres grosses et la bouche fort fendue et les dents très belles. La couleur de cet homme était rouge clair. Il avait sur sa poitrine des entailles comme en ont les Mozambiquais. Lieutenant en second, le Dez. Nous ne pouvons dire que peu de choses sur ces peuples, ne les ayant fait qu'entrevoir. En général, ils sont mal faits. Maigres de corps, les jambes et les cuisses menues, le genou gros, et ils se mettent souvent dessus car la peau en est fort endurcie. Je pense qu'ils doivent beaucoup souffrir pendant l'hiver. Ils n'ont guère d'autre moyen de se garantir du froid que le feu, aussi l'aiment-ils beaucoup. et lorsque je les ai vus venir au-devant des matelots et leur en offrir, l'idée m'est venue que cet élément est celui dont ils tirent le plus d'utilité. Ils rendent quelques devoirs à leur mort. Auprès de celui que nous avons trouvé, il y avait plusieurs flèches rompues que ses compatriotes avaient laissées. Dans le vol pour Auckland, je marche dans les couloirs de l'avion pour éviter l'ankylose. Les volets des hublots sont fermés. Presque tous les voyageurs prennent un plaisir solitaire. Ils regardent un film. 300 personnes confinées dans quelques dizaines de mètres carrés et pas un bavardage. Je suis plongée dans la lecture des journaux de l'expédition. Le Dez, qui est lieutenant à bord du Castries, l'un des deux vaisseaux de l'expédition, mentionne dans son journal qu'ils n'ont pas trouvé d'eau en Tasmanie. Les vents du Nord s'étant déclarés avec force, le capitaine Marion a repris la route vers la Nouvelle-Zélande, où il espère pouvoir reconstituer les réserves et satisfaire les besoins de l'équipage, près de 350 hommes au total. Capitaine en second, Crozet. Nous avons quitté la terre de Diemen et nous avons mis 15 jours à faire les 336 lieues de trajet qui la séparent de la Nouvelle-Zélande, où nous sommes arrivés le 25 mars. Garde de la marine du Clemmer, 3 avril 1772. Le 3 avril, nous sommes à la pointe nord de la Nouvelle-Zélande et c'est avec bien de la joie que je me vois touché au moment d'une relâche depuis longtemps désirée. Nous avons des scorbutiques. Et depuis plus d'un mois, nous sommes réduits à une pinte d'eau par jour. Un orage très violent s'est élevé dans le nord-est et nous oblige à reprendre le large. Un vent considérable nous fait chasser sur notre ancre et nous oblige à en mouiller une autre. À 3 heures du matin, l'un de nos câbles rompt et la troisième ancre que nous mouillons ne tient pas longtemps. Voyant que nous sommes prêts à faire côté, nous coupons les câbles et appareillons. Le mascarin subit le même sort que nous. Enseigne de vaisseau, roue. Avril 1772. Le vent et la mer augmentent toujours plus. Nous recevons un violent coup de mer si furieux que le bateau reste près de 4 minutes engagé. La mer déferle à bord comme si nous étions sur un récif. Le vaisseau est à plat bord à l'eau par la force du vent et ses bonnes qualités nous tirent d'un affreux péril, car nous doublons la pointe des rochers à portée de mousquet. Le bruit de la mer nous empêche d'entendre les coups de canon que nous tirons réciproquement tant pour nous éviter que pour ne pas nous séparer. Si les vaisseaux avaient le malheur de s'aborder avec une tempête pareille, nous serions brisés. Garde de la marine du Clemmer. Avril 1772. Les vaisseaux ont beaucoup fatigué. Les vents d'ouest et de très grosses vagues nous ont ballottés des jours entiers. Quand pourrons-nous enfin, comme M. Marion est déterminé à le faire, débarquer en Nouvelle-Zélande, faire de l'eau, du bois, repêcher nos ancres et réparer la mâture du Castries? C'était la trop brève histoire de Marion Dufresne et des Maoris. 9 mai, 13 juillet 1772, de Delphine Morel. Premier épisode, La mort d'Aoutourou. Une émission proposée par Emmanuel Chevrière. Avec Delphine Morel, la narratrice, Nicolas Racca, lieutenant Ledez, Laurent Cléry, enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison, Bruno Pavio, enseigne de vaisseau Roux, François Hatt, garde de la marine du Clemmer, Gérard Boucaron, capitaine en second Crozet. Et les voix de Marina Moncade, Emmanuel Lemire. Assistance technique et montage, Pierre-Henri. Prise de son et mixage, Pierrick Charles. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Les extraits de journaux de bord de l'équipage du Marquis de Castries et du Mascarin sont issus des Archives nationales de France, des Archives de la famille Bougainville et des Archives nationales de Tasmanie.